Mais revenons à nos verbes gogo. Jusqu'à présent, nous avons j'ai, qui se dit tengo. Tengo, oui. Et je dis digo. Digo. Je fais hago. Hago, oui. H-A-G-O. Je le fais. Lo hago. Lo hago, oui. Je l'ai. Lo tengo. Lo tengo, oui. Je le dis. Lo digo. Lo digo. Je viens. Vengo. Bengo. Le V se prononce B. Bengo. Et sortir, qui se dit salir, donne salgo. Je sors. Alors, je sors maintenant, ça sera salgo ahora. D'accord, salgo ahora. Et à quelle heure est-ce que vous, usted, sortez? A qué hora sale? Bien, a qué hora sale? Et encore une fois, j'ai se dit tengo. Tengo. Je viens. Vengo. Vengo. Je fais. Hago. Hago. Je dis. Digo. Digo. Et je sors. Salgo. Salgo. Alors, ensuite, on a le verbe mettre qui se dit poner. P-O-N-E-R. Poner. Qui est aussi un verbe gogo. Donc, je mets se dit pongo. Alors, je le mets ici, ça sera lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Et où est-ce que vous le mettez? Vous posez la question à usted. Donde pone le mettez. Ah oui. Donde lo pone? Donde lo pone, oui. Et pourquoi est-ce que tu ne le mets pas ici? ¿Por qué no lo pones aquí? D'accord. ¿Por qué no lo pones aquí? Le verbe poner, tout comme le verbe poser en français, a de nombreux dérivés. Par exemple, componer, composer, oponer, opposer, supponer, supposer, etc. Alors, comment direz-vous « je suppose » ? Supongo ? Non. Supongo. Supongo, tout à fait. Et puis, il y a le verbe « apporter, amener » qui se dit « traer ». T-R-A-E-R. Traer, qui est aussi un verbe gogo. « J'apporte » se dit « traigo ». T-R-A-I-G-O. Traigo. Alors, je la porte, se dit lo traigo. Lo traigo. D'accord. Et je vais ajouter un autre verbe gogo. C'est entendre, qui se dit oír. Oír. O, I accent aigu, R. Oír. Et j'entends, se dit oigo. Oigo. O, I, G, oigo.